te préviens ce coup-ci. J'ai cassé ma sim. Tu veux savoir où je suis? Je traînais vers la lime. Tu veux savoir où je signe? D'envie de platine. Je t'offre comme une machine. L'instru, moi je l'assassine. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Jules, c'est magique. Charbonneur, carton, roller. Pour mes cassos, mes honneurs. Pour prendre ton heure, y'a pas d'heure. Les flics, les courses, ils ont la mal chargée. Je me lève, je suis dans les vapes. C'est parce que je suis trop ma mal. Vas-y, laisse-les croire. Ils vont m'atteindre là. Rêve petit quand tu rêves pas. C'est la street, c'est réel. J'fais plein de rêves, mon frère. J'vois que du bonheur. J'ai trop de soucis dans ma tête. Ils aimeraient que j'm'envoie en l'air. J'fais des tours vers le quartier. Sur grand-père que ça marronne. Y'en a qui m'ont déçu. J'leur ai levé la parole. J'fais des tours vers le quartier. Sur grand-père que ça marronne. Y'en a qui m'ont déçu. J'leur ai levé la parole. J'sors de la tête contre le sourire. Et oui, même si ça va mal. J'sais que tu me dis tout le temps que t'es là. Mais quand j'ai besoin, j'te vois pas. J'sais que tu fais le gros monde. Pas plus quand faut monter en Yamaha. J'sais que beaucoup sont tristes. Et putain, mène une vie de malade. J'sais que j'te fascine. Redescends, cousine. J'te préviens ce coup-ci. J'ai cassé ma sim. Tu veux savoir où j'suis? J'traînais vers la lime. Tu veux savoir où j'signe? D'or et de platine. J'lève le T-Max facile. J'vois plus devant, j'ai frappé. Sur la Ginesse Bercassi. M'arrête pas s'ils veulent m'attraper. Photo passe aux assises. Commis d'office qui l'assiste. La vie de rue c'est pas simple. La peine du juge traumatise. J'suis en fumette, j'suis dans mon del. J'peux pas dire que la vie est belle. Frérot, faut pas que tu t'arrêtes. Si t'as deux kills dans la selle. Oui j'ai l'art, oui j'ai la manière. À l'affût d'une petite infirmière. J'ai vu un film la nuit dernière. M'a donné envie d'être déter sur terre-terre. Déterre sur terre-terre. Comme la tête haute, le sourire. Et oui, même si ça va mal. J'sais que tu me dis tout le temps que t'es là. Mais quand j'ai besoin, j'te vois pas. J'sais que tu fais le gros monde. Pas plus quand faut monter en Yamaha. J'sais que beaucoup sont tristes. Et putain, mène une vie de malade. Comme la tête haute, le sourire. Et oui, même si ça va mal. J'sais que tu me dis tout le temps que t'es là. Mais quand j'ai besoin, j'te vois pas. J'sais que tu fais le gros monde. Pas plus quand faut monter en Yamaha. J'sais que beaucoup sont tristes. Et putain, mène une vie de malade. J'sais que j'te fascine. Redescends, cousine. J'te préviens ce coup-ci. J'ai cassé ma sim. Tu veux savoir où j'suis? J'traînais vers la lime. Tu veux savoir où j'signe? D'or et de platine. D'or et de platine. D'or et de platine. D'or et de platine. D'or et de platine.